Bismillahirrahmanirrahim. Avant de commencer, juste je vous préviens qu'il y a actuellement des travaux chez moi qui se font. Le propriétaire de la maison où j'habite construit un étage supérieur, donc il se peut qu'il y ait du bruit durant l'enregistrement, des bruits de travaux, quoi. Donc c'est normal. D'accord? Et je m'excuse à l'avance pour le dérangement que ça pourrait causer. Mais Inch'Allah, ce serait léger. C'est pas non plus, voilà, quoi. طيب نبدأ بإذن الله في السؤال 32 بعد المئة 132 question. سؤال الشيخ رحمه الله تعالى يطلق بعض العامة على أمر قد حصل له أو لغيره لقد شاءت الأقدار كذا أو لقد شاءت الظروف أن يحصل كذا فما صحة هذه اللفظة. Donc il a été interrogé رحمه الله تعالى à propos de la parole de certains gens de la masse qui disent que lorsqu'une chose lui arrive ou qui arrive à autre que lui, dit le destin en a voulu ainsi, ou les imprévus en ont voulu ainsi. Donc qu'en est-il de ces termes ? فَأَجَابَ رَحْمَ اللَّهُ تَعَالَى هَذِي لَفْظَ مُنْكَرَى لَا قَوْلُهُ شَاءَتَ الْأَقْدَارِ وَلَا قَوْلُهُ شَاءَتَ الظُّرُوفِ لِنَّ الظُّرُوفِ جَمْ ظَرْفِ وَيَا الْأَزْمَانِ وَالزَّمَانِ لَا مَشِيَةَ لَهُ وَكَذَلِكَ الْأَقْدَارِ جَمْ قَدَرِ وَالْقَدَرْ لَا مَشِيَةَ لَهُ. Donc il a dit, ce sont des paroles mauvaises. Ce sont des mauvais termes. Le fait de dire que le destin l'a voulu ainsi, ou que les imprévus en ont voulu ainsi. Après, il expliquait en arabe que le terme ظروف, c'est le pluriel de ظرف. D'accord ? Et qui veut dire imprévu, qui veut dire problème, qui veut dire souci. Et que ces choses-là n'ont pas de volonté. Et également, en arabe, il dit l'akdar. Moi, j'ai traduit par le destin, mais en vérité, il a dit les choses prédestinées. Mais en français, ça ne se dit pas. Nous, on dit le destin directement. Quoi qu'il en soit, en arabe, ça a été dit par les destinés. Il a dit c'est le pluriel de destin et que le destin n'a pas de volonté à lui-même pour dire que le destin l'a voulu ainsi. وَإِنَّمَا الَّذِي يَشَاءُ وَاللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ نعم لو قال الإنسان اقتضى قدر الله كذا وكذا فلا بأس به أما المشيئة فلا يجوز أن تضاف للأقدار لأن المشيئة هي الإرادة واللا إرادة للوصف وإنما الإرادة للموصوف. Donc il a dit celui qui veut c'est Allah, la volonté c'est Allah qui revient. Par contre si la personne disait le destin impliquait telle et telle chose, le destin d'Allah Azza wa Jal, ce qui est prédestiné impliquait telle et telle chose. Il a dit là, il n'y a pas de mal. Mais la volonté, celle-ci ne peut être attribuée qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. Car le destin, c'est un attribut d'Allah. Et la volonté n'est pas affiliée à l'attribut, mais elle est affiliée à celui à qui appartient l'attribut. Cela appartient ou cela revient à qui ? À celui à qui appartient l'attribut. L'attribut il appartient à Allah Azza wa Jal. Du moins, il fait partie de lui. On dirait plutôt comme ça. Non. L'attribut fait partie d'Allah subhanahu wa ta'ala. Thumma qala fi su'al al-thalith wa thalathin ba'd al-mi'a. 133e question. Su'ila al-shaykhu rahmahullah ta'ala. Ma hukm qawlihim tadakhala al-qadar wa tadakhalat 'inayatullah. Donc, qu'en est-il de dire que le destin s'en est mêlé, ou que, on va dire, le soin d'Allah s'en est mêlé. Inaya, on pourrait dire plusieurs sens, on pourrait dire le soin, la précaution, wa kada. Fa'ajaba, rahimallahu ta'ala, qawluhum tadakhala al-qadar la taslah, liannaha ta'ani an al-qadar i'tada bitadakhul, wa annahu كالمتطفل أو متطفل على الأمر مع أنه أي القدر هو الأصل فكيف يكون تدخل أو كيف يقال تدخل. Donc il a dit le fait de dire que le destin s'en est mêlé, ça ne convient pas. Car ça voudrait dire que le destin aura مثلاً perturbé les choses en y pénétrant, en s'y mêlant. C'est comme si c'est lui qui provoquait la chose. C'est-à-dire le résultat vient de lui. Et ce n'est pas le cas. Car à la base, c'est le destin qui font que, ou plutôt qui fait que les choses, comment elles se déroulent, c'est le destin en fait. Non, je dirais plutôt comme ça. La base des choses, c'est le destin. Donc ce n'est pas le destin qui vient, qui intervient et qui change les choses par lui-même ou quoi. Ce qui arrive, c'est ce qui était destiné. Ce qui arrive, c'est ce qui était destiné. Donc on peut pas dire que le destin est venu s'est mêlé, comme si c'était une chose qui n'était pas prévue, qui s'est déroulée par la suite par le destin. Là, cela est faux. قال والأصح أن يقال لكن نزل قضاء القضاء والقدر أو غرب القدر أو نحو ذلك. Il a dit, mais ce qu'il faut dire en fait, c'est que le destin s'est déroulé, le destin a eu lieu. ونحو ذلك. Ou le destin l'a emporté. Pourquoi le destin l'a emporté? Parce qu'il se peut que toi tu aies un projet, tu as voulu faire une chose, mais le destin était prévu pour toi. Sur autre chose. Alors, tu te dis aujourd'hui je vais faire telle et telle chose. Et tu n'as pas pu la faire, malgré toi. Donc on dit, en fait, le destin, lui, a triomphé sur ta volonté à toi. Qu'elle était écrite que tu ne ferais pas telle et telle chose. Takriban. En tout cas, en arabe, ils le disent. Wa misa zalika tadakhalat inayatullah. Al awla ibdaluha bi kalimat hasalat inayatullah. Aw iqtadat inayatullah. Donc il a dit pareil, le fait de dire que, on va dire le soin d'Allah, ou la protection d'Allah, ou autre, s'en est mêlé. Il a dit ce qu'il faut dire, c'est changer le mot mêlé par, mathalan, déroulé. Cela s'est déroulé. Cela s'est produit. Ah, le fait de dire s'en est mêlé, comme on l'a expliqué, c'est comme si la chose n'était pas prévue, et que par elle-même elle est rentrée dans le projet ou dans l'affaire. Et que sa présence aura changé le cours des choses. Chose qui n'est pas le cas. Naam. فَهَذَا الَّذِي أَرَدْنَا الْيَوْمِ مِنْ هَذَيْنِ ثُوَلَيْنِ فَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ